Deuxième partie, chapitre 6, de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise. La Commune, par Louise Michel. Deuxième partie, République du 4 septembre. Chapitre 6, quelques républicains dans l'armée et dans la flotte. Plan de Rossel et de Lullier. Malgré la discipline, on pense quelquefois, l'esprit peut s'évader du bagne des casernes. Louise Michel, Les prisons. Suivant la capitulation, l'Assemblée de Bordeaux devait être nommée au 8 février et se réunir pour statuer sur les conditions de la paix. L'impression de cette lâcheté était telle que dans l'armée et dans la flotte, des officiers se refusaient à la défaite comme s'y refusait Paris. Leur plan à eux était logique et simple. Les papiers posthumes de Rossel et ceux qui furent trouvés chez Lullier démontrèrent une fois de plus que même d'après la science militaire, il était possible de résister et de vaincre l'invasion. Voici quelques-uns de ces fragments. La lutte à outrance. La lutte à outrance, la continuation de la lutte jusqu'à la victoire, n'est pas une utopie, n'est pas une erreur. La France possède encore un immense matériel de guerre, un grand nombre de soldats. La ligne de la Loire, qui est une excellente position, est à peine entamée, tandis que Bourges n'est pas perdue. Mais, fût-elle acquise à l'ennemi, l'attaque des provinces méridionales devient difficile à cause du massif de l'Auvergne qui oblige l'ennemi à partager ses efforts entre Lyon et Bordeaux. Un échec des Prussiens sur l'une de ces deux lignes les dégage toutes deux. Au contraire, la résistance a souvent des chances heureuses. Rappelez-vous la bataille de Cannes. La conquête de la Hollande par Louis XIV à la tête de quatre armées, les plus puissantes de l'Europe, commandées par Turenne et Condé. L'envahissement de l'Espagne par Napoléon en 1808. Voilà trois situations qui étaient de beaucoup plus désespérées, plus accablantes, qui laissaient bien moins de chance à une issue honorable que notre situation après la prise de Paris. Cependant, toutes trois ont été heureuses, et ce n'est pas un effet du hasard, mais peut-être l'effet d'une loi constante dont un des caractères les plus nets est le dépérissement des armées victorieuses. Une armée qui fait une guerre active se détruit lors même qu'elle a toute facilité de se recruter. Les recrues qu'elle reçoit maintiennent sa force numérique, mais ne remplacent pas les vieux soldats ni les officiers qu'elle a perdus. C'est par le défaut d'officiers qu'a péri l'armée de Napoléon. Il en est de même de l'armée d'Hannibal. Il en sera de même de l'armée prussienne. Et, plus promptement encore, sans compter que la mort de M. de Bismarck ou de M. de Moltke peut tout emporter. La mort de Pyrrhus, vainqueur, n'est pas un paradoxe. Il vient souvent un moment pour les conquérants où le désastre est tout entier en germe dans une victoire. Ce moment, c'est Cannes ou la Moscova. Pourquoi les Prussiens n'auraient-ils pas la même aventure? Il ne s'agit que d'attendre le moment de les user, les lasser, non leur faire trouver capoue dans nos villes, mais ne jamais faire marcher avec eux pour notre rançon. Nous manquons de patience. Nous faisons la paix aussi inconsidérément que nous avons fait la guerre. Ce peuple est trop mobile et trop sceptique. Il y a 80 ans, on a pu le fanatiser avec des idées de liberté, de propagande égalitaire et de démocratie universelle. Qui croira-t-on maintenant? C'est bien le style de l'homme de guerre pour qui avait à combattre la guerre de conquête contre une armée disciplinée. Un général tel que Rossel n'eût pas été inutile. Plus tard, quand il voulut faire de la garde nationale une armée régulière, Rossel ne comprit pas que l'élan révolutionnaire, puisqu'il fallait se hâter, que le temps manquait comme le nombre, devait surtout être employé. Mais, dans les situations désespérées, que chacun emploie le moyen qu'il comprend. L'arme qu'on connaît est la meilleure. Il connaissait bien le métier de la guerre. Des dévoués auraient dans ce cas subi la discipline. Rossel écrivait de Nevers, démontrant les fautes commises par les généraux de l'Empire, que la République de septembre maintenait à la tête de ses armées. Les opérations militaires ont été continuellement malheureuses. À force d'impéritie, les plans ont toujours été vicieux et les chefs incapables. Chanzy seul a peut-être montré du talent. Encore ne sera-t-il jugé que lorsque l'on saura quelle force il avait devant lui. Et ce seul général a été laissé en dehors de l'échiquier, occupé avec des forces insuffisantes à courir la Bretagne et le Poitou. Gambetta était devenu promptement un homme politique. Il fallait qu'il devînt un homme de guerre, et c'était notre espérance depuis le temps où, enfermés dans Metz, nous avions approfondi la nullité de nos généraux. Gambetta ne l'a pas voulu. Nous avons obéi à tous les podagres de l'annuaire. Ils ont accepté la responsabilité en s'arrachant les cheveux de terreur et ont péri par leur propre impuissance, beaucoup plus que par l'habileté de leurs adversaires. Toutes les opérations ont été vicieuses. La reprise d'Orléans a été exécutée par une faute puérile classée dans tous les traités d'art militaire et cataloguée sous le nom de « concentration sur un point occupé par l'ennemi ». La seconde prise d'Orléans a aussi son nom parmi les grandes fautes. C'est une retraite divergente. La bataille d'Amiens s'appelle « défensive passive », aussi bien que les opérations qui ont précédé la retraite d'Orléans par les Prussiens. La marche de Bourbaki dans l'Est a été gâchée. Le crime de coller une armée contre une frontière neutre et de découvrir toute sa ligne d'opération sur une longueur de 150 km n'a pas de nom dans la science militaire. Si Gambetta avait fait lui-même, au lieu de se mettre à la discrétion d'un vieux soldat usé qui marchait à regret, la belle opération qu'il avait conçue n'aurait jamais pu se changer en un honteux désastre. La République est aussi criminelle en cela que l'Empire, parce qu'elle a été aussi inintelligente dans le choix des chefs. Que le gouvernement de Bordeaux récrimine contre le gouvernement de Paris, c'est juste. Mais il est juste aussi que nous récriminions contre le gouvernement de Bordeaux. Dirais-je combien l'organisation a été défectueuse et combien l'héritage malheureux de l'Empire a encore été dilapidé entre nos mains. Nous avons subi la distinction de l'armée et de la mobile, mais c'est nous qui avons inventé les mobilisés, multiplié les uniformes, les systèmes, exclu les hommes mariés de la défense nationale sous le prétexte invalide que cela ruinerait le pays. Est-il assez ruiné désormais le pays ? Et quels organisateurs incapables ! Ils n'avaient qu'une seule crainte, avoir trop de monde à instruire. Ils excluaient du recrutement autant de monde qu'il leur était possible. Ils ne savaient ni réunir les hommes, ni les commander, et le gouvernement multipliait leur travail par la création déraisonnable de camps d'instruction. Ils avaient cependant une tâche déterminée à accomplir dans un temps déterminé. Instruire les soldats à cette tâche difficile avait ajouté celle de créer, dans le même temps, des baraquements nombreux en faisant de nouveaux corps. L'artillerie n'a pas su sacrifier un clou de son matériel savant et durable. Ses canons et ses affûts, ses caissons, ses harnais dureront 40 ans, c'est vrai, mais ils ne seront jamais achevés qu'après la guerre. Ayant besoin de faire vite, avons-nous simplifié notre armement ? Non, nous l'avons compliqué par l'adoption du canon rayé. Nos défaites ne tenaient pas à l'armement défectueux, mais à des causes d'un ordre incomparablement plus élevé. Le canon rayé est bon pour les badauds. Ayons des canons lisses et tâchons de nous en servir. La cavalerie a été aussi méthodique que l'artillerie et aussi incapable sur les champs de bataille. Rossel, papier posthume, recueilli en 1871 par Jules Amig. Cette marche dans l'Est qui, disait Rossel, avait été gâchée, fut également indiquée par Lullier, officier de marine, que le désespoir de la défaite jeta vers la Commune et que l'affaire du Mont-Valérien, où il engagea sur la parole d'honneur du commandant de ce fort la première sortie contre Versailles dans un désastre, rendit depuis sujet à des accès terribles. Lullier avait, dès le 25 novembre 1870, envoyé le plan suivant, auquel il avait une confiance profonde et qui resta sans réponse. Il est curieux de voir aujourd'hui combien il eût été facile au moins d'essayer de débloquer Paris, qui ne demandait qu'à se défendre héroïquement. Grand 1. L'objectif d'opération commun aux armées de la République doit être de débloquer Paris. Pour obtenir ce résultat, ce serait tomber dans une grave erreur que concevoir un plan d'après lequel chacune de ces armées marcherait isolément, quoique par des mouvements simultanés sur Paris. Car les armées allemandes occupant en force autour de cette place une position concentrique, il leur serait facile de combiner leurs mouvements et d'accabler séparément et successivement chacune des armées françaises qui se présenteraient sur l'un des rayons de leur cercle d'action. Il serait bien difficile, au contraire, pour celles-ci, d'obtenir une coïncidence exacte de leurs attaques si l'on considère la répartition des forces agissantes sur le théâtre général des opérations. Marcher directement sur Paris, c'est aller attaquer directement l'ennemi au siège de sa puissance, au centre de ses ressources, c'est vouloir prendre le taureau par les cornes. D'un autre côté, Paris ne se trouve pas dans les conditions d'une place ordinaire. Il renferme dans ses murs une armée d'environ 390 000 hommes, dont l'organisation, l'instruction, l'armement se perfectionnent de jour en jour, armée qui sera bientôt en état de sortir et de donner efficacement au dehors. Pour dégager Paris, il suffit d'obliger l'ennemi à distraire momentanément une partie importante des forces qui enserrent la capitale et de l'amener à les porter à une distance qui laisse, pendant 48 heures seulement, libre jeu à l'armée assiégée pour exécuter une sortie générale contre l'armée assiégeante. Or, en manœuvrant en province, il est facile d'obtenir ce résultat et de dégager partiellement Paris. Quelle est la manœuvre générale à faire ? Grand 2. Réunir toutes les forces disponibles dans le Midi à Lyon, toutes celles du centre au camp de Nevers, toutes celles de l'ouest à Tours. Faire replier l'armée de la Loire sur cette dernière ville et, au moyen des voies ferrées, opérer un mouvement général de concentration de toutes ses forces sur Langres. On peut réunir en moins de 15 jours 300 000 hommes sous cette dernière ville, place forte avec son camp retranché à portée. Cette armée, couverte sur sa droite par les places de Besançon et de Belfort, sera en mesure de se porter soit sur Châlons par Vitry-le-François, soit entre Toul et Nancy, en faisant tomber par l'option pour cette dernière ville la ligne de la Meuse, mauvaise ligne, peu défendue et peu défendable. Par l'une ou l'autre de ces avancées, l'armée concentrée à Langres menace directement les communications à l'ennemi, lesquelles s'étendent sur une ligne de 110 lieues par Châlons, Verdun et Nancy, de Strasbourg à Paris. Elle oblige ainsi infailliblement l'ennemi à dégager partiellement Paris pour porter une partie considérable de ses forces sur Châlons ou sur Metz au secours de ses communications menacées. Si l'armée de Langres est battue, elle se repliera sur la chaussée de Paris à Lyon, sa ligne de retraite naturelle qu'elle ne cesse de couvrir dans son mouvement en avant et sur laquelle elle possède Lyon avec son camp retranché comme base et Dijon comme place de ravitaillement et de défense. Quoi qu'il advienne, le but sera donc atteint, menacer les communications de l'ennemi sans découvrir les siennes. Dans ce même temps, l'armée du Nord doit venir border l'Oise de Chagny à Creil, puis se concentrer sur la gauche pour se porter par Reims sur les communications de l'ennemi et venir donner la main à l'armée de Langres où, suivant les circonstances, se concentrer sur la droite pour venir donner par Saint-Denis la main à l'armée de Paris et concourir ainsi au résultat de la sortie générale exécutée par celle-ci. Grand 3. Menacer les communications de l'ennemi pour l'obliger à lâcher prise et à rétrograder est l'une des manœuvres les plus usuelles à la guerre. L'expérience de l'histoire militaire prouve qu'une telle manœuvre, même médiocrement conduite, a presque toujours été couronnée d'un plein succès. En 1800, le général autrichien Mélas opérait sur le Var contre la France. Sa ligne de communication passait par Cogny, Alexandrie et la rive droite du Pô. Bonaparte, avec 36 000 hommes, franchit le Saint-Bernard et vint se placer à cheval sur cette ligne à Marengo. Mélas, menacé d'être coupé de Mantoue et de l'Adige, sa base, se concentre en toute hâte sur Alexandrie. Vaincu en avant de cette place, il se trouve dans l'alternative de s'y renfermer ou de signer un traité qui nous livre l'Italie. En 1812, après avoir perdu la bataille de la Moscova et évacué à Moscou, le généralissime russe Moutoussov vint se placer au sud de la ligne de communication de l'armée française. Napoléon fut obligé aussitôt de venir à lui et après la bataille indécise de Malo-Jaroslavitch, le général russe, ayant appuyé encore d'une marche vers l'ouest, Napoléon fut obligé de quitter brusquement Moscou et faillit être coupé de sa base, la Pologne et la Bérézina. En 1813, dès que les Alliés s'avisèrent de faire une marche de concentration sur Leipzig, Napoléon est obligé de quitter sa position concentrique de Dresde pour voler au secours de ses communications menacées. Après les trois batailles de Leipzig, il est obligé de se replier en toute hâte vers le Rhin, sa base. Dans la même année 1813, en Espagne, dès que le général anglais Wellington s'avisa de marcher par Valladolid sur Burgos, le roi Joseph et les généraux français menacés d'être coupés des Pyrénées, leur base, évacuèrent précipitamment Madrid et faillirent être coupés à Vitoria. En 1814, Wellington était à Bordeaux, se préparant à marcher sur Paris. Mais le maréchal Soult, qui avait pris le commandement de l'armée d'Espagne, fit une retraite parallèle à la frontière et vint prendre position à Toulouse. Wellington, ne pouvant laisser une armée sur le flanc de sa ligne de communication, fut obligé de venir au général français et de lui livrer la bataille de Toulouse. Dans la même année de 1814, après la bataille indécise de Bar-sur-Aube, Napoléon marcha sur Saint-Dizier pour se porter sur la Lorraine et se jeter sur les communications des armées allemandes. Bien qu'il ne disposât alors que de 65 000 soldats, cette marche eût été décisive si Paris eût été mis en état de résister seulement 15 jours. Grand 4. Le plan d'une marche de concentration générale de nos forces de Langres, plan qu'on est en mesure d'exécuter avec 300 000 hommes dès le 15 décembre, est donc conforme aux principes de la science stratégique. Et le résultat en est pour ainsi dire garanti d'avance par l'expérience de l'histoire. Il est, de plus, conforme aux lumières du plus simple bon sens. La France est mutilée. Il ne lui reste plus qu'un bras. Mais ce bras est encore capable de tenir une épée. Un ennemi, enhardi par le succès, met la main sur Paris. La capitale saura-t-elle lui saisir cette main ? Sinon, l'ennemi serrera plus fort et de son autre, il l'écartera. Mais si du bras qui lui reste, elle menace son adversaire, celui-ci lâchera prise aussitôt. Le bras de la Prusse est étendu sur la France de Strasbourg à Paris. C'est ce bras qu'il faut menacer avec toutes les forces disponibles. Pour que les opérations de la nature de celles que nous précisons réussissent, il faut deux choses. Premièrement, le secret gardé sur ses intentions, qui ne doivent être révélées que tardivement par les faits, et alors qu'il n'est plus temps pour l'ennemi d'y parer par des contre-manœuvres. L'art de guerre n'est si difficile que par la difficulté qu'on éprouve à cacher, d'une part, ses projets à l'ennemi, et de l'autre, à pénétrer les siens. Deuxièmement, l'exacte combinaison des détails, le recensement du matériel, des voies d'exploitation dont on doit se servir, le calcul exact des durées du transport par chemin de fer, la quantité suffisante de munitions de guerre et de denrées alimentaires assurées, de manière à ne laisser jamais aucun corps en l'air ou sans vivre. Dans la guerre, le calcul exact du temps et des distances est tout. Le plus beau plan du monde échoue, parce qu'un corps d'armée arrive quelques heures trop tard sur le champ de bataille. Arrivé 4 heures trop tard, il se trouve en présence d'une déroute et l'aggrave même. 4 heures plus tôt, il change un désastre en victoire. Ainsi peut et doit être sauvée militairement la France. Tours, 25 novembre 1870, Charles Lullier. La France ne fut sauvée ni militairement, ni révolutionnairement, mais égorgée en troupeaux par les bourgeois dégénérés. Et pourtant, l'avenir est à la révolution libératrice. Ces fragments paraissent vieux de 1000 ans, la science militaire étant une science qui meurt, puisque la guerre entre les peuples se meurt. Malgré les efforts des despotes, des tressaillements l'agitent encore, comme ceux d'une bête à l'agonie. Elle ne se relèvera plus. Mais Rossel et Lullier furent des intelligences consumées à travers les événements, comme les phalènes à travers la flamme. Aujourd'hui, la discipline a fait son temps. Les hommes qu'elle a élevés se heurtent et se rebutent dans la libre envolée de l'humanité. Fin de Quelques républicains dans l'armée et dans la flotte.